deux ans avec une fille de bas. J'ai dansé la salsa avant qu'il ne soit trop tard. Tu étais la tendresse, moi j'avais beaucoup bu. C'était nos soirs d'ivresse, amis des sombres rues. À l'hôtel de passe, y avait des graffitis sur la muraille d'en face. J'ai dessiné nos nuits sur les coussins moelleux d'un bordel à pas cher. J'ai joué à être heureux, j'avais le cœur à l'envers. Tu dansais l'oriental, j'étais ton prince hindou. L'alcool nous faisait mal, c'est vrai qu'on était fous. À l'hôtel de passe, y avait des graffitis sur la muraille d'en face. J'ai dessiné nos nuits, la lune se cachait dans le verre de tes yeux. J'étais bien allumé, chacun fait ce qu'il peut. La balle d'un revolver s'est trompée de malheur. Tes cheveux noirs partaient aux dernières lueurs. À l'hôtel de passe, il y avait des graffitis sur la muraille d'en face. J'ai dessiné nos nuits, j'ai dansé la salsa avec une fille de bas. J'ai dansé la salsa avant qu'il ne soit trop tard. Tu étais la tendresse, moi j'avais beaucoup bu. C'était nos soirs d'ivresse, habits des sombres rues. À l'hôtel de passe, il y avait des graffitis sur la muraille d'en passe. J'ai dessiné nos nuits à l'hôtel de passe, il y avait des graffitis sur la muraille d'en passe. J'ai dessiné.